marchais en aveugle dans les labours. J'ai croisé une troupe que suivait un tambour. Une milice de fantômes en costume. Je me suis caché dans les bancs de brume. Je me suis réveillé dans la salle 101. Je me suis réveillé dans la salle 101. Je suis monté dans le train des damnés. J'y ai vu le visage de l'homme profané. Dans la nuit, le brouillard, je me suis fondu. J'ai fui et puis je me suis perdu. Je me suis réveillé dans la salle 101. Je me suis réveillé dans la salle 101. J'ai mangé les rats de la salle 101. Je me suis vu en face et j'ai crié en vain. J'avais les mains et les pieds entravés. Je me voyais par mes yeux crevés. Je me suis réveillé dans la salle 101. Je me suis réveillé dans la salle 101. Qu'on avait brûlé ma mémoire, qu'il ne restera plus rien de cette histoire. Alors que tombe la nuit de l'errance, la nuit noire et glacée de l'ignorance. Je me réveille, je suis dans la salle 101.